like a drug. Danser sur mon âme n'est plus permis. C'est celui qui revient. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Celui qui s'efface quand tu me remplaces. Quand tu me retiens, c'est celui qui revient. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Celui qui s'efface quand tu me remplaces. Quand tu me retiens, c'est celui. La première hit radio en Normandie.

Let's forget tonight. Nacho. Things gonna be. C'est le 1er novembre les amis, et si vous êtes levé à cette heure-ci, c'est que vous êtes déjà au boulot ou que vous rentrez de votre soirée d'Halloween. Bah oui, bon courage si vous bossez dans les boulangeries, les hôpitaux, les commissariats, les pompiers aussi qui bossent non-stop, on pense à vous et on vous accompagne sur Cristal ce matin en direct évidemment. Pas de repos pour la matinale, hein. On vous accompagne même pour la Toussaint et pour cette fin de vacances. Prudence aussi si vous êtes sur les routes, hein, restez vigilants. Apparemment il y a quelques brouillards en Eure et Seine-Maritime du côté de Vernon par exemple. Alors roulez tranquillou, hein, surtout. Il est 5h30 déjà, bon réveil ou bonne nuit hein, pour certains, c'est comme vous voulez. Je vous ai préparé vos hits en Normandie évidemment pour ce matin sur Cristal. On va écouter Charlie Puth et Bruno Mars dans les prochaines minutes. Et excusez-moi déjà pour ma voix du matin. Hier on était à la foire Saint-Romain toute la journée avec l'équipe et j'ai énormément crié dans les manèges. Donc voilà, excusez-moi, bon début de journée sur Cristal et on aura l'occasion de revenir justement sur cette foire Saint-Romain. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. J'embosse les corses, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing strong. Océan de rose, je rase les murs de simples choses, m'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ, tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien, et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi secret dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Come, love, drop out the beat, stronger. sur le vide sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Let's move and get. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Déjà l'heure avec Dimitri sur Cristal. What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas in the red. Can't even get it started. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it. I'm alive. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. C'est toujours sympa de se réveiller avec Rihanna, c'est vrai. On vient d'écouter Disturbia sur Cristal. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Une conversation, c'est comme les hamacs. C'est plus facile d'y entrer que d'en sortir. Et par texto, par moment, on veut couper court. Une conversation, ça nous est tous arrivé. Mais il faut le faire subtilement, évidemment, pour éviter de passer pour une méchante ou un méchant. Alors, quelles sont les techniques? Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont assez efficaces en général. D'après le magazine GQ, il y a le fameux texto « Je suis en réunion toute la journée, je déconnecte mon portable ». Plutôt efficace, c'est vrai. On a aussi le fameux « Haha ». Plus il est court, mieux c'est. Et en général, la personne comprend vite que vous fichez complètement de lui parler ou pas. Et puis on a le fameux « Désolé, mais c'est qui ?» C'est très vexant. Celui-là aussi, il a tendance à calmer assez vite. Hein. Voilà les trois choses à faire si vous voulez couper court à une conversation par SMS. C'est pas très gentil, mais bon, ça se fait, hein. C'est comme ça. Essayez, j'en connais quelques-uns qui vont avoir peur la prochaine fois qu'ils recevront un petit « Haha ». Il est 5h45 sur Cristal. Dans un instant, la suite de vos hits, on passera aussi à l'horoscope de ce jeudi 1er novembre. Cristal, la première hit radio en Normandie. Déjà l'heure avec Dimitri sur Cristal. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free. Excuse me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps matin. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Nous sommes le 1er novembre, c'est la Toussaint et on est là en direct sur Cristal avec vous comme tous les matins. J'espère que ça va, bon courage pour tous les bosseurs et pour tous ceux qui font le pont. Profitez bien de vos jours de repos pour profiter de la petite famille. Voilà, il est bientôt 6h déjà, bon réveil. Un petit point sur l'actu normande et sur la météo d'ici quelques minutes. Mais d'abord, c'est votre horoscope avec qui ? Avec Alexandra, bien sûr. Et oui, elle est là, salut Alex. Bonjour à tous, bon jeudi férié, le 1er novembre aujourd'hui. L'horoscope des béliers, vous vous ferez beaucoup trop d'illusions et vous serez dans l'incapacité à ouvrir les yeux. Taureau, une journée tendre s'annonce pour vous, un jeudi férié. Profitez de l'instant présent. Gémeaux, vous aurez du mal à gérer vos émotions et ce handicap vous poursuivra. Cancer, si vous avez des projets de voyage, c'est maintenant qu'il faudra les concrétiser. Vous avez besoin de voir autre chose. Lion, plutôt que de faire l'autruche devant les disputes à la maison, vous devriez essayer de relever la tête. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Vierge, comment ne pas être attiré par vous aujourd'hui ? Vous êtes la plus charmante personne qui soit. Ça va être le bazar à la maison. Les balances, ce sera votre rôle de dire à chacun où placer ses limites. Scorpion, il y a des chances pour que vous déclenchiez des coups de foudre sur votre passage. Sagittaire, vos déceptions seront nombreuses et vos coups d'éclat dévastateurs. Contentez-vous d'être vous-même, les Capricornes, de sortir un peu sans vouloir provoquer quoi que ce soit. L'amour pourrait frapper. Vous baisserez les bras, les Verseaux. Vous n'aurez plus envie de vous battre, advienne que pourra. Les Poissons, il ne tiendra qu'à vous de provoquer des rencontres pour commencer une belle histoire amoureuse. Excellente journée à tous. Applause. like to read. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause.